et est. 1. Mais. Mais. 2. Des. Des. 3. C'est. C'est. 4. Les. Les. 5. Fait. Fait. 6. Prêt. Prêt. 7. Épais. Épais. 8. Clair. Clair.